Bonjour et bienvenue à Viva Sendino. Depuis que je suis en onde, souvent j'ai des réflexions qui sont teintées là de ma formation en économie. Et cette semaine, j'ai pas pu passer à côté. Je me suis rendu compte comment la situation économique des individus peut avoir un effet sur le climat social qui règne dans une ville. Je m'explique. C'est que j'ai passé 5 jours au Canada. Bon, vous aurez deviné, j'ai eu un horaire bien chargé, déjeuner, dîner et bière à la terrasse avec copains et copines, entrecoupé d'une cérémonie de mariage, suivie d'un souper familial. Et pendant mes temps libres, oui, j'en ai eu, j'en ai profité pour déguster les meilleurs cafés que la ville de Montréal avait à m'offrir. Et pour les intéressés, rendez-vous au Toi, Moi et Café, rue Laurier. Un feu roulant, vous me direz, et j'ai même eu le temps d'observer les gens. En fait, j'ai pas vraiment eu le choix. Le constat était trop frappant. Les Montréalais marchaient d'un pas léger, le sourire aux lèvres. Ils se saluaient gros comme le bras, comme on dit. Ils prenaient le temps de lire à l'extérieur pour profiter de l'été des Indiens. Et quand j'ouvrais les portes d'un café, ça bourdonnait de rire. Tout un contraste avec le Nicaragua. Ici, dans les cafés, on entend les néons. Et peut-être une musique de Bryan Adams en sourdine. À mon retour au Nicaragua, j'ai baptisé ça les sons du désespoir. Et il y a aussi les regards envieux. Cela fait 3 mois que je vis à Estélie, et à tous les matins, je vais chercher mon journal chez une marchande près de chez moi. Pour m'y rendre, je croise des hommes et des femmes qui me dévisagent, qui me regardent, moi, l'étrangère qui marche comme mes comparses montréalais avec le pas léger et le sourire aux lèvres. J'en ai fait de quoi sourire, je vis dans un pays autre que le mien et chaque jour est plus ou moins une nouvelle aventure. Bonne ou mauvaise, j'ai l'impression d'être en vie. Le luxe du voyage est l'effet de la nouveauté quotidienne. Mais les yeux qui me regardent, eux, sont remplis d'envie et surtout de tristesse. Les gens ici marchent d'un pas lourd. Et je ne vois pas les sourires dont on parle, là, toutes les annonces de vision mondiale. Vous savez, là, le fameux témoignage du blanc qui dit « Même si la vie de ces villageois est difficile, ils trouvent le moyen de garder le sourire. » Et là, on voit un plan sur un enfant là, qui rit à pleines dents. Non, ici, plus souvent qu'autrement, quand je marche, je vois du coin de l'œil la main tendue d'un enfant qui quête un pesos. À 5 ans, ce petit bonhomme crasseux au chandail troué a déjà compris que je suis de l'argent ambulante. À cet âge, je représente peut-être une lueur d'espoir, la beauté de l'innocence. Mais à 15 ans, je peux prédire que cette petite étincelle sera éteinte. Il restera l'envie de se réaliser, de voyager, de consommer. Je deviendrai en fait le reflet de toutes ces impossibilités. Qui sont ici hors de portée même pour la classe dite moyenne. Je connais une femme qui travaille pour le ministère de la Famille et cette fonctionnaire veut quitter le pays pour assurer l'avenir de son enfant, qui n'a vraiment rien devant soi que la pauvreté, l'oisiveté, le néant. Et ça, c'est la réalité d'une seule famille. Multipliez cela par 1 000 et vous créerez une ville qui n'a pas le cœur à sourire.